La faute est humaine, la rédemption vaut la masse de tes querelles, de tes soucis, de tes problèmes. La faute est humaine, on n'oublie pas les péchés qui nous malmènent. Nous savons tous que la faute est humaine, la rédemption vaut la masse de tes querelles, de tes soucis, de tes problèmes. La faute est humaine, on n'oublie pas les péchés qui nous malmènent. J'ai cru avoir des choses que j'ai plus, purger mes peines dans l'alcool que j'ai bu. J'ai su ce qu'était le mal quand j'ai vu et j'ai fui toutes les larmes que j'ai bu. J'essaie d'essuyer toutes les choses qui m'ont sali. Je sais, j'ai ruiné toutes les choses que j'ai bâties. Ça fait mal, j'ai l'humeur à en crever. Je ne suis pas l'homme dont j'avais rêvé. Je me rends compte que c'est pour moi que ma mère vit, que je suis loin d'être une merveille, j'ai honte. Je suis à la recherche d'une énergie positive qui se battrait contre moi-même. J'ai des repas qu'à sur moi-même. Mon père veille, je sais pas. Je sais pas. Si pour porter mes erreurs j'ai les bras, je ne peux pas donner la force que j'ai pas. La faute est humaine, la rédemption vaut la masse de tes querelles, de tes soucis, de tes problèmes. La faute est humaine, on n'oublie pas les péchés qui nous malmènent. Nous savons tous que la faute est humaine, la rédemption vaut la masse de tes querelles, de tes soucis, de tes problèmes. La faute est humaine, on n'oublie pas les péchés qui nous malmènent. Une larme tombe dans un bain de tristesse. Tout ce qui m'arrive, je l'ai cherché, donc j'assume. Mon enfance est passée sans mon père. Peut-être que c'est là où je trouverai ce malaise qui me fait tant mal, impossible qu'il me lâche. Y'a que moi qui me comprenne, et c'est bien dommage. Y'a encore personne qui a attendu mon cri de douleur. Je trace ma route en regardant saigner mon cœur. Ma life n'est pas un succès et j'en suis pas très fier. J'ai vécu, je vis toujours, je demande pardon lors de mes prières. J'ai blessé des gens alors qu'ils comptaient beaucoup pour moi. Je m'en veux tellement, je peux plus réparer mes dégâts. 5 coups de 1000 morts de mon beau-père depuis ce jour-là. Je vis chaque jour dans l'enfer. Excuse-moi si de là-haut j'étais déjà déçu, tu m'as vu heureux. La faute est humaine, la rédemption vaut la masse de tes querelles, de tes soucis, de tes problèmes. La faute est humaine, on n'oublie pas les péchés qui nous malmènent. Nous savons tous que la faute est humaine, la rédemption vaut la masse de tes querelles, de tes soucis, de tes problèmes. La faute est humaine, on n'oublie pas les péchés qui nous malmènent. Ma plume parle du cœur, parle de mes douleurs, l'angoisse de finir seul, de sombrer dans l'horreur. J'arrive plus à contrôler quoi que ce soit depuis que tout est parti en vrille autour de moi. Désormais, me revoilà à la case départ. Traiter ce vent, je dois vite remonter sur la bonne pente. De se voir revenir après cette pige, j'irai pas par quatre chemins. De toute façon, je m'en fiche, il arrivera ce qui doit arriver. On appelle ça le mec tout peureux. Frais, ma plume parle et ma tristesse pleure. Les souvenirs restent dans ma tête, fait fureur. Je sais plus quoi faire, la vie un goût amer. Chienne de life, tu me lâcheras jamais. Retour à la case départ. La faute est humaine. La faute est humaine, la rédemption vaut la masse de tes querelles, de tes soucis, de tes problèmes. La faute est humaine, on n'oublie pas les péchés qui nous malmènent. Nous savons tous que la faute est humaine, la rédemption vaut la masse de tes querelles, de tes soucis, de tes problèmes. La faute est humaine, on n'oublie pas les péchés qui nous malmènent. La faute est humaine, la rédemption vaut la masse de tes querelles, de tes soucis, de tes problèmes. La faute est humaine, on n'oublie pas les péchés qui nous malmènent. Nous savons tous que la faute est humaine, la rédemption vaut la masse de tes querelles, de tes soucis, de tes problèmes. La faute est humaine, on n'oublie pas les péchés qui nous malmènent.